chaleur à sa mère, sans toucher, caresser sans voler. Pour moi, perdre un jour, quand faire bon est l'amour. Pas sans quoi, ou plus sel, moi, attendre si au miel. Mais moi, t'es loin la vérité. Sans déconner, c'est vrai.